malgré tout ce bleu, tout ce vert. Tu es triste à mourir, mais quand tu fermes les yeux, un refrain qui te parle en argot. Yeah.